Are you ready? Let's go! Rai Suprême. 2h, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? C'est une bonne soirée, une bonne fin de long week-end peut-être pour vous. En tout cas, Kaze est là. Pas de bon pour Kaze. On prolonge le week-end. T'as bien bossé, ça a été ouais, très très très bien. En forme, et ce soir, tu vas encore bien bosser. Oui. Tu es prêt? C'est la période des beaux jours. Ouais, on est bien avec le son de Skyrock, avec le son de Rai Suprême, comme chaque dimanche soir. Ce soir au programme, Kaze, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Programme, des news, la nouveauté. Je suis parti faire un petit tour au Maghreb. On a ramené des petites news du. C'est vrai qu'il est à Marrakech. Entre autres, ouais. Et il joue du super son là-bas, donc on. On connaît un petit peu les programmateurs, ils nous ont filé du son, donc on va faire quelque chose ce soir. Et puis on met aussi les sons qui ambiancent les clubs, les chichas, enfin. Et bah terrible. Coup d'envoi de ce Rai Suprême, DJ Case au contrôle, on y va. Allez, c'est parti. Dimanche soir, DJ Case, tous les sons de Rai Suprême, en direct sur Skyrock. N'écoute pas les clés par capot, fais juste fait les colliers qui rugissent. Moi j'ai grandi dans la street, et un fleuri me rougisse. C'est pas que je t'allume à côté, mais non, je te laisse pas mon numéro miss. Je dois mettre nos ailes de côté. Ils sont tous au star, mes homies. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de Ben. J'suis riche, j'm'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escort et push cas dans le top case. Nique sa mère qui veut test. J'suis tous looky, mais j'vous baise. J'vous donne encore à l'évresse. J'reste juste au-dessus en train de créer des fraises. J'suis en altitude, des gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude. J'puis t'y nous plus le sale bitume. Le bloc qui on a trop manigancé. Putain, on va pas recommencer. Le sommet pour nous est accessible. Nous dépasser une déco, c'est impossible. Impossible, je donne game pour commettre des homicides. Depuis peu, j'en fais du malin. Depuis peu, je me suis fait la malade. J'ai appris que qu'il fallait faire la malade. J'suis impliqué dans un délire de malade. Dans un délire de malade. Ne me raconte pas des salades, my nigga. Que des salopes. Ça sortit, tu sais, tu galopes. J'suis en altitude, des gros changements d'attitude. Nego, comme d'habitude, j'peux t'y n'aura plus ce sale bitume. Nego, j'suis en altitude, des gros changements d'attitude. Nego, comme d'habitude, j'peux t'y n'aura plus ce sale bitume. Nego. La plupart sont des mythos. Ouais, ils sont des mythos. J'pars sans faire demi-tour, ils ont jamais rien fait mais ça vend des mythes. C'est vrai que les gens sont devenus chelous. Chez moi la brebis a braqué le loup. Même le guépard s'est fait mettre à genoux. Les haineurs voient bien même sans taf le loup. C'est vrai que l'être humain il est mauvais. Il est pas écolo comme José Bové. Il pense qu'à faire des lovés. Et il se repentit que quand il se fait coffrer. J'suis en altitude, des gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude. J'peux t'y n'aura plus ce sale bitume. Dego. J'suis en altitude, des gros changements d'attitude. Toujours en altitude, dans le coin en altitude. Ben,

pas percé. Je suis sur mon fils, ils ont plein d'euros. C'est j'ai jamais fait semblant. J'ai gagné des délinquants. J'ai tout niqué avec la picatra. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à c'est pinulé. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit pinulé. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie pinulé. Même mes enfants innocents me disent papa pinulé. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Mais j'ai arrêté un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le bar, star pour moi. Je reste que par amour. Je suis dans mon bolide. Oh, tu es brillant. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. It's driving you crazy, but I gotta get the money for my baby. And you know that I never been lazy. And I wish you were here on my side, but I'm too damn far. Spend a lonely night, huh? Remember all the fun that we had. It's coming soon, I promise. Don't be sad, girl. بلاش تردي لي الساعة الراس فات عليا الساس شدوا يا ناس وبلاش بلاش طاح الفاس

DJ Case. Sur le truc comme au dépôt. Un seul fois je dis un avis. DJ Case. Un seul fois je dis un avis. Sky Rock Rock. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. Celebrate.

menotté, menotté. Hey, menotté, menotté. Ils font les biggies mais non pas les bagages. Je suis blaise, moi tu dis une joule devant le virage. Devant les bleus, tu deviens tout bleu. Range ta beurre et trouve-toi à bon baveur. J'attends le soleil pour me barrer. Tu as sommeil, t'enchaînes les TP. Balance ton flow, peu importe ton bagot. Croise les mains et balance sur le téco. Dans la banlieue, tous menottés. Paris sont tous menottés. Dans le 9-3, tous menottés. Menotté, menotté. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour, je vais tout donner. Tous tes rappeurs ne font que copier. J'arrive les menottés. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour je vais tout donner. Tous tes rappeurs ne font que copier. Minuit, 2h, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Mais j'ai rien, tous menottés. OCI tous menottés. Menottés, menottés. Les tom-tom tous menottés. Les Antilles tous menottés. Mes Africains tous menottés. Menottés, menottés. Balance ton flow, peu importe ton pago. Croise les mains et balance sur le téco. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton pago, croise les mains et balance sur le déco. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. Menotté, menotté. En Paname tous menottés, à Sanas tous menottés, à Tenant tous menottés, menottés, menottés, Montpellier tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés, menottés, menottés, dans 5-9 tous menottés, dans 6-9 tous menottés, à Strasbourg tous menottés. DJ Case comme chaque dimanche soir sur Skyrock, avec un petit point aussi sur les soirées puisque yes. Tu te déplaces un peu partout. Et, ouais, et là les beaux jours sont là. Et oui, donc le 12 mai jeudi je suis au Régine, c'est à Paris du côté des Champs-Élysées. Le 13 mai c'est au Bim Kim à Ivry-sur-Seine. Le 14 mai c'est au VIP Club, c'est à Beauvais. Et le 15 mai au Seven. Voilà, ah ouais, voilà. Là ça rigole pas là, ça y va sévère quoi. En ce moment, ça y va. On a passé du bon temps et on s'est aussi concentré sur l'album, d'ailleurs qui sort le 3 juin. Ouais. On me dit ça. Ah, ça y est. Ouais, oui. Ça y est. Ouais. Et qui s'appellera? Qui s'appellera DJ Case. Tout simplement. Bisous. Tout simplement DJ Case. Il est là, il est là. Allez, l'animal est là, l'animal est de sortie. Il faudrait lui installer en fait une barre ici dans le studio quand tu mixes pour, parce qu'il est tellement déchaîné qu'on pourrait bientôt mettre les vidéos de ce qui se passe pendant Rail Suprême. On a une danseuse. On a une donc, voilà, donc le projet sort le 3 juin. On a pu découvrir Gradure et très prochainement un nouveau single. Et voilà, allez avec sur qui, les réseaux. Avec qui on peut ou pas? Oui, on peut là on va savoir. Il y a du Kaino Samet, il y a du Franco, il y a du monde. Et bah, pas loupé donc. Et le 3 juin dans les bacs DJ Case sur Skyrock. On continue ? Ouais, on continue. Allez, c'est parti pour la suite de Rail Suprême. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. بدق الحال عليا داوي حالي ابو عيد بسيدي رفع عليا عبد القادر يا بولا بدق الحال عليا داوي حالي يا بولا سيدي رفع عليا سيدي عبد الحبيب دير مجهودك وتحاسب وانا طارت القلب قديم قدير مزيا سيدي عبد الحبيب دير مجهودك وتحاسب وانا طارت يا سيدي بوم الجن انا في برجك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش بني عبد الله سلطان العالية ايه

ماشي سيستم Regarde-moi t'es présent. Moi je vaux mieux que tout ça. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب On Skyrock. son du moment. C'est Skyrock. Oh.

Yeah. Trail Suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, là dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai vu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, le platine c'est DJ Kaïs. Je suis sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe c'est les chichons avec Aïcha Andisha. Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême, Case. Ouais, bah c'est vrai qu'on a eu une petite ambiance aussi avec les dernières nouveautés. J'entends c'est ça, ouais, off, notamment nouveautés. Dans le game que t'as voilà, balancé tout à l'heure. Exactement, ouais, voilà. Donc dès qu'on peut, dès qu'il y a des news, et voilà, on fait péter ça. Pas seulement corps oriental, on met un peu de tout et ça reste quand même la musique du soleil. Ambiance soirée tous les dimanches soirs. Merci, c'est Case. Exactement ça, bah, une fois de plus pour ce Rail Suprême. Merci à vous. Et sur les réseaux, c'est toujours pareil. DJ Case et sur Facebook et DJ Case Paris sur Instagram, Twitter. Voilà. Je fais un gros big up à mon pote Rafi, infographe, qui est avec moi ici aussi ce soir. Il est là. Donc allez le suivre sur Raza, voilà, RVZV. C'est ça. T'arrives. Allez suivre, allez cliquer. Yes. Et puis on te retrouve en soirée aussi. Loupez pas DJ Case près de chez vous. Eh oui. Pendant tout le mois de mai. Merci à vous. Merci à toi. C'est reparti pour le son de Skyrock. Ciao. Bonne fin de week-end.